Deuxième série, développement des fonctions intellectuelles. Quoique présenté à part, les faits dont se compose la série que nous venons de parcourir se lient sous beaucoup de rapports à ceux qui vont faire la matière de celle-ci. Car telle est, Monseigneur, la connexion intime qui unit l'homme physique à l'homme intellectuel, que quoique leurs domaines respectifs paraissent et soient en effet très distincts, tout se confond dans les limites par lesquelles s'entretouchent ces deux ordres de fonctions. Leur développement est simultané et leur influence réciproque. Ainsi, pendant que je bornais mes efforts à mettre en exercice les sens de notre sauvage, l'esprit prenait sa part des soins exclusivement donnés à l'éducation de ses organes et suivait le même ordre de développement. On conçoit en effet qu'en instruisant les sens à percevoir et à distinguer de nouveaux objets, je forçais l'attention à s'y prêter, le jugement à les comparer et la mémoire à les retenir. Ainsi, rien n'était indifférent dans ces exercices. Tout allait à l'esprit, tout mettait en jeu les facultés de l'intelligence et les préparait aux grandes œuvres de la communication des idées. Déjà, je m'étais assuré qu'elle était possible, en obtenant de l'élève qu'il désignât l'objet de ses besoins au moyen de lettres arrangées, de manière à donner le mot de la chose qu'il désirait. J'ai rendu compte, dans mon opuscule sur cet enfant, de ce premier pas fait dans la connaissance des signes écrits, et je n'ai pas craint de le signaler comme une époque importante de son éducation, comme le succès le plus doux et le plus brillant qu'on ait jamais obtenu sur un être tombé, comme celui-ci, dans le dernier degré de l'abrutissement. Mais des observations subséquentes, en m'éclairant sur la nature de ce résultat, vinrent bientôt affaiblir les espérances que j'en avais conçues. Je remarquai que Victor, au lieu de reproduire certains mots avec lesquels je l'avais familiarisé pour demander les objets qu'il exprimait et manifester le désir ou le besoin qu'il en éprouvait, n'y avait recours que dans certains moments et toujours à la vue de l'objet désiré. Ainsi, par exemple, quelque vif que fût son goût pour le lait, ce n'était qu'au moment où il avait coutume d'en prendre et à l'instant même où il voyait qu'on allait lui en présenter, que le mot de cet aliment préféré était émis, ou plutôt formé selon la manière convenable. Pour éclairer le soupçon que m'inspira cette sorte de réserve, j'essayai de retarder l'heure de son déjeuner, et ce fut en vain que j'attendais de l'élève la manifestation écrite de ses besoins, quoique devenu plus urgent. Ce ne fut que lorsque la tasse parut que le mot « lait » fut formé. J'eus recours à une autre épreuve. Au milieu de son déjeuner, et sans donner à ce procédé aucune apparence de châtiment, j'enlevai la tasse qui contenait le lait et l'enfermai dans une armoire. Si le mot « lait » eût été pour Victor le signe distinct de la chose et l'expression du besoin qu'il en avait, nul doute qu'après cette privation subite, le besoin continuant à se faire sentir, le mot « lait » n'eût été de suite reproduit. Il ne le fut point. Et j'en conclus que la formation de ce signe, au lieu d'être pour l'élève l'expression de ses besoins, n'était qu'une sorte d'exercice préliminaire dont il faisait machinalement précéder la satisfaction de ses appétits. Il fallait donc revenir sur nos pas et travailler sur de nouveaux frais. Je m'y résignai courageusement, persuadé que si je n'avais pas été compris par mon élève, la faute en était à moi plutôt qu'à lui. En réfléchissant en effet sur les causes qui pouvaient donner lieu à cette acception défectueuse des signes écrits, je reconnus n'avoir pas apporté, dans ces premiers exemples de l'énonciation des idées, l'extrême simplicité que j'avais mise dans le début de mes autres moyens d'instruction et qui en avait assuré le succès. Ainsi, quoique le mot « lait » ne soit pour nous qu'un signe simple, il pouvait être pour Victor l'expression confuse de ce liquide alimentaire, du vase qui le contenait et du désir dont il était l'objet. Plusieurs autres signes avec lesquels je l'avais familiarisé présentaient, quant à leur application, le même défaut de précision. Un vice encore plus notable tenait à notre procédé d'énonciation. Elle se faisait, comme je l'ai déjà dit, en disposant sur une même ligne et dans un ordre convenable des lettres métalliques, de manière à donner le nom de chaque objet. Mais ce rapport qui existait entre la chose et le mot n'était point assez immédiat pour être complètement saisi par l'élève. Il fallait, pour faire disparaître cette difficulté, établir entre chaque objet et son signe une liaison plus directe et une sorte d'identité qui les fixa simultanément dans la mémoire. Il fallait encore que les objets admis, les premiers à cette nouvelle méthode d'énonciation, fussent réduits à leur plus grande simplicité afin que leurs signes ne puissent porter en aucune manière sur leurs accessoires. En conséquence de ce plan, je disposais sur les tablettes d'une bibliothèque plusieurs objets simples tels qu'une plume, une clé, un couteau, une boîte, etc., placés immédiatement sur une carte où était tracé leur nom. Ces noms n'étaient pas nouveaux pour l'élève, il les connaissait déjà et avait appris à les distinguer les uns des autres d'après le mode de lecture que j'ai indiqué plus haut. Il ne s'agissait donc plus que de familiariser ses yeux avec la position respective de chacun de ces noms au-dessous de l'objet qu'il représentait. Cette disposition fut bientôt saisie et j'en eus la preuve lorsque, déplaçant tous ces objets et replaçant d'abord les étiquettes dans un autre ordre, je vis l'élève remettre soigneusement chaque chose sur son nom. Je diversifiai mes épreuves, et cette diversité me donna lieu de faire plusieurs observations relatives au degré d'impression que faisait, sur le sensorium de notre sauvage, l'image de ces signes écrits. Ainsi, lorsque, laissant tous ces objets dans l'un des coins de la chambre et emportant dans un autre toutes les étiquettes, je voulais, en les montrant successivement à Victor, l'engager à m'alécrire chaque objet dont je lui montrais le mot écrit, il fallait, pour qu'il pût m'apporter la chose, qu'il ne perdît pas de vue un seul instant les caractères qui servaient à la désigner. S'il s'éloignait assez pour ne plus être à portée de lire l'étiquette, si, après la lui avoir bien montrée, je la lui couvrais de ma main, aussitôt l'image du mot échappait à l'élève qui, prenant un air d'inquiétude et d'anxiété, saisissait au hasard le premier objet qui lui tombait sous la main. Le résultat de cette expérience était peu encourageant, et m'eût en effet complètement découragé si je ne me fusse aperçu, en la répétant fréquemment, que la durée de l'impression devenait insensiblement beaucoup moins courte dans le cerveau de mon élève. Bientôt, il ne fallut plus que jeter rapidement les yeux sur le mot que je lui désignais pour aller, sans hâte comme sans méprise, me chercher l'objet demandé. Au bout de quelque temps, je pus faire l'expérience plus en grand en l'envoyant de mon appartement dans sa chambre pour y chercher de même un objet quelconque dont je lui montrais le nom. La durée de la perception se trouve d'abord beaucoup plus courte que la durée du trajet. Mais Victor, par un acte d'intelligence bien digne de remarque, chercha et trouva dans l'agilité de ses jambes un moyen sûr de rendre la durée de l'impression plus longue que celle de la course. Dès qu'il avait bien lu, il partait comme un trait et je le voyais revenir un instant après tenant à la main l'objet demandé. Plus d'une fois, cependant, le souvenir du mot lui échappait en chemin. Je l'entendais alors s'arrêter dans sa course et reprendre le chemin de mon appartement où il arrivait d'un air timide et confus. Quelquefois, il lui suffisait de jeter les yeux sur la collection entière des noms pour reconnaître et retenir celui qui lui était échappé. D'autres fois, l'image du nom s'était tellement effacée de sa mémoire qu'il fallait que je le lui montrasse de nouveau. Ce qu'il exigeait de moi, en prenant ma main et me faisant promener mon doigt indicateur sur toute cette série de noms jusqu'à ce que je lui eusse désigné celui qui l'avait oublié. Cet exercice fut suivi d'un autre qui, offrant plus de travail à la mémoire, contribua plus puissamment à la développer. Jusque-là, je m'étais borné à demander un seul objet à la fois. J'en demandais d'abord deux, puis trois, et puis ensuite quatre, en désignant un pareil nombre de signes à l'élève qui, sentant la difficulté de les retenir tous, ne cessait de les parcourir avec une attention avide jusqu'à ce que je les dérobasse tout à fait à ses yeux. Dès lors, plus de délai ni d'incertitude, il prenait à la hâte le chemin de sa chambre d'où il rapportait les objets demandés. Arrivé chez moi, son premier soin, avant de me les donner, était de reporter avec vivacité ses yeux sur la liste, de la confronter avec les objets dont il était porteur, et qu'il ne me remettait qu'après s'être assuré, par cette épreuve, qu'il n'y avait ni omission ni méprise. Cette dernière expérience donna d'abord des résultats très variables, mais à la fin les difficultés qu'elle présentait furent surmontées à leur tour. L'élève, alors sûr de sa mémoire, dédaignant l'avantage que lui donnait l'agilité de ses jambes, se livrait paisiblement à ses exercices, s'arrêtait souvent dans le corridor, mettait la tête à la fenêtre, qui est à l'une des extrémités, saluait de quelques cris aigus le spectacle de la campagne qui se déploie de ce côté dans un magnifique lointain, reprenait le chemin de sa chambre, y faisait sa petite cargaison, renouvelait son hommage aux beautés toujours regrettées de la nature, et rentrait chez moi bien assuré de l'exactitude de son message. C'est ainsi que, rétabli dans toute la latitude de ses fonctions, la mémoire parvint à retenir les signes de la pensée, tandis que, d'un autre côté, l'intelligence en saisissait toute la valeur. Telle fut du moins la conclusion que je crus devoir tirer des faits précédents lorsque je vis Victor se servir à chaque instant, soit dans nos exercices, soit spontanément des différents mots dont je lui avais appris le sens, nous demander les divers objets dont ils étaient la représentation, montrant ou donnant la chose lorsqu'on lui faisait lire le mot, ou indiquant le mot lorsqu'on lui présentait la chose. Qui pourrait croire que cette double épreuve ne fut pas plus que suffisante pour m'assurer qu'à la fin j'étais arrivé au point pour lequel il m'avait fallu retourner sur mes pas et faire un si grand détour? Ce qui m'arriva à cette époque me fit croire un moment que j'en étais plus éloigné que jamais. Un jour que j'avais amené Victor chez moi et que je l'envoyais comme de coutume me quérir dans sa chambre plusieurs objets que je lui désignais sur son catalogue, je m'avisais de fermer ma porte à double tour et de retirer la clé de la serrure sans qu'il s'en aperçût. Cela fait, je revins dans mon cabinet où il était, et, déroulant son catalogue, je lui demandai quelques-uns des objets dont les noms s'y trouvaient écrits, avec l'intention de n'en désigner aucun qui ne fût pareillement dans mon appartement. Il partit de suite, mais ayant trouvé la porte fermée et cherché vainement la clé de tous côtés, il vint auprès de moi, prit ma main et me conduisit jusqu'à la porte d'entrée, comme pour me faire voir qu'elle ne pouvait s'ouvrir. Je feignis d'en être surpris, de chercher la clé partout, et même de me donner beaucoup de mouvements pour ouvrir la porte de force. Enfin, renonçant à ces vaines tentatives, je ramenai Victor dans mon cabinet, et lui montrant de nouveau les mêmes mots, je l'invitai par signe à voir autour de lui s'il ne se présenterait point de pareils objets. Les mots désignés étaient « bâton »,« soufflet »,« brosse »,« verre », »,« couteau ». Tous ces objets se trouvaient placés isolément dans mon cabinet, mais de manière cependant à être facilement aperçus. Victor les vit et ne toucha à aucun. Je ne réussis pas mieux à les lui faire reconnaître en les rassemblant sur une table, et ce fut inutilement que je les demandai l'un après l'autre en lui montrant successivement les noms. Je pris un autre moyen, je découpai avec des ciseaux les noms des objets qui, convertis ainsi en de simples étiquettes, furent mis dans les mains de Victor, et le ramenant par là aux premiers essais de ce procédé, je l'engageai à mettre sur chaque chose le nom qui servait à la désigner. Ce fut en vain, et j'eus l'inexprimable déplaisir de voir mon élève méconnaître tous ces objets, ou plutôt les rapports qui les liaient à leurs signes, et avec un air stupéfait qui ne peut se décrire, promener ses regards insignifiants sur tous ces caractères redevenus pour lui inintelligibles. Je me sentais défaillir d'impatience et de découragement. J'allais m'asseoir à l'extrémité de la chambre, et considérant avec amertume cet être infortuné que la bizarrerie de son sort réduisait à la triste alternative, ou d'être relégué comme un véritable idiot dans quelques-uns de nos hospices, ou d'acheter par des peines inouïes un peu d'instruction inutile encore à son propre bonheur. Malheureux, lui dis-je, comme s'il eût pu m'entendre et avec un véritable serrement de cœur, puisque mes peines sont perdues et tes efforts infructueux, reprends avec le chemin de tes forêts le goût de la vie primitive, ou si tes nouveaux besoins te mettent dans la dépendance de la société, expie le malheur de lui être inutile et va mourir à Bicêtre de misère et d'ennui. Si j'avais moins connu la portée de l'intelligence de mon élève, j'aurais pu croire que j'avais été pleinement compris. Car à peine avais-je achevé ces mots que je vis, comme cela arrive dans ses chagrins les plus vifs, sa poitrine se soulevait avec bruit, ses yeux se fermaient, et un ruisseau de larmes s'échappait à travers ses paupières rapprochées. J'avais souvent remarqué que de pareilles émotions, quand elles allaient jusqu'aux larmes, formaient une espèce de crise salutaire qui développait subitement l'intelligence et la rendait plus apte à surmonter immédiatement après telle difficulté qui avait paru insurmontable quelques instants auparavant. J'avais aussi observé que si, dans le fort de cette émotion, je quittais tout à coup le son des reproches pour y substituer des manières caressantes et quelques mots d'amitié et d'encouragement, j'obtenais alors un surcroît d'émotion qui doublait l'effet que j'en attendais. L'occasion était favorable et je me hâtais d'en profiter. Je me rapprochai de Victor, je lui fis entendre des paroles affectueuses que je prononçais dans des termes propres à lui en faire saisir le sens et que j'accompagnais de témoignages d'amitié plus intelligibles encore. Ses pleurs redoublèrent, accompagnés de soupirs et de sanglots, tandis que, redoublant moi-même de caresses, je portais l'émotion au plus haut point et faisais, si je puis m'exprimer ainsi, frémir jusqu'à la dernière fibre sensible de l'homme moral. Quand tout cet excitement fut entièrement calmé, je replaçai les mêmes objets sous les yeux de Victor et l'engageai à me les désigner l'un après l'autre au fur et à mesure que je lui en montrai successivement les noms. Je commençai par lui demander le livre. Il le regarda d'abord assez longtemps, fit un mouvement pour y porter la main en cherchant à surprendre dans mes yeux quelques signes d'approbation ou d'improbation qui fixa ses incertitudes. Je me tins sur mes gardes et ma physionomie fut muette. Réduit donc à son propre jugement, il en conclut que ce n'était point là l'objet demandé et ses yeux allèrent cherchant de tous côtés dans la chambre, ne s'arrêtant cependant que sur les livres qui étaient disséminés sur la table et la cheminée. Cette espèce de revue fut pour moi un trait de lumière. J'ouvris de suite une armoire qui était pleine de livres et j'en tirai une douzaine, parmi lesquels j'eus l'attention d'en faire entrer un qui ne pouvait qu'être exactement semblable à celui que Victor avait laissé dans sa chambre. Le voir y porter brusquement la main, me le présenter d'un air radieux, ne fut pour Victor que l'affaire d'un moment. Je bornai là cette épreuve, le résultat suffisait pour me redonner des espérances que j'avais trop légèrement abandonnées et pour m'éclairer sur la nature des difficultés qu'avait fait naître cette expérience. Il était évident que mon élève, loin d'avoir conçu une fausse idée de la valeur des signes, en faisait seulement une application trop rigoureuse. Il avait pris mes leçons à la lettre, et de ce que je m'étais borné à lui donner la nomenclature des objets contenus dans sa chambre, il s'était persuadé que ces objets étaient les seuls auxquels elle fut applicable. Ainsi, tout livre qui n'était pas celui qu'il avait dans sa chambre n'était pas un livre pour Victor. Et pour qu'il pût se décider à lui donner le même nom, il fallait qu'une ressemblance parfaite établît entre l'un et l'autre une identité visible. Bien différent dans l'application des mots, des enfants qui, commençant à parler, donnent au nom individuel la valeur des noms génériques dans le sens restreint des noms individuels. D'où pouvait venir cette étrange différence? Elle tenait, si je ne me trompe, à une sagacité d'observation visuelle, résultat nécessaire de l'éducation particulière donnée au sens de la vue. J'avais tellement exercé cet organe à saisir par des comparaisons analytiques les qualités apparentes des corps et leurs différences de dimension, de couleur, de conformation, qu'entre deux corps identiques, il se trouvait toujours pour des yeux ainsi exercés quelques points de dissemblance qui faisaient croire à une différence essentielle. L'origine de l'erreur ainsi déterminée, il devenait facile d'y remédier. C'était d'établir l'identité des objets en démontrant à l'élève l'identité de leur usage ou de leur propriété. C'était de lui faire voir quelles qualités communes valent le même nom à des choses en apparence différentes. En un mot, il s'agissait de lui apprendre à considérer les objets non plus sous le rapport de leurs différences, mais d'après leur point de contact. Cette nouvelle étude fut une espèce d'introduction à l'art des rapprochements. L'élève s'y livra d'abord avec si peu de réserve qu'il pensa s'égarer de nouveau en attachant la même idée et en donnant le même nom à des objets qui n'avaient d'autre rapport entre eux que l'analogie de leurs formes ou de leurs usages. C'est ainsi que, sous le nom de livre, il désigna indistinctement une main de papier, un cahier, un journal, un registre, une brochure. Que tout morceau de bois étroit et long fût appelé bâton, que tantôt il donnait le nom de brosse au balai et celui de balai à la brosse, et que bientôt, si je n'avais réprimé cet abus des rapprochements, j'aurais vu Victor se borner à l'usage d'un petit nombre de signes qu'il l'eût appliqué sans distinction à une foule d'objets tout à fait différents et qui n'ont de commun entre eux que quelques-unes des qualités ou propriétés générales des corps. Au milieu de ces méprises, ou plutôt de ces oscillations d'une intelligence tendant sans cesse au repos et sans cesse mue par des moyens artificiels, je crus voir se développer une de ces facultés caractéristiques de l'homme et de l'homme pensant, la faculté d'inventer. En considérant les choses sous le point de vue de leur analogie ou de leur qualité commune, Victor en conclut que, puisqu'il y avait entre divers objets ressemblance de forme, il devait y avoir, dans quelques circonstances, identité d'usage et de fonction. Sans doute, la conséquence était un peu hasardée, mais elle donnait lieu à des jugements qui, lors même qu'ils se trouvaient évidemment défectueux, devenaient pour lui autant de nouveaux moyens d'instruction. Je me souviens qu'un jour, où je lui demandais par écrit un couteau, il se contenta, après en avoir cherché un pendant quelque temps, de me présenter un rasoir qu'il alla acquérir dans une chambre voisine. Je feignis de m'en accommoder, et quand sa leçon fut finie, je lui donnai à goûter, comme à l'ordinaire, et j'exigeai qu'il coupât son pain au lieu de le diviser avec ses doigts selon son usage. À cet effet, je lui tendis le rasoir qu'il m'avait donné sous le nom de couteau. Il se montra conséquent et voulut en faire le même usage. Mais le peu de fixité de la lame l'en empêcha. Je ne crus pas la leçon complète, je pris le rasoir et le fis servir en la présence même de Victor à son véritable usage. Dès lors, cet instrument n'était plus et ne devait plus être à ses yeux un couteau. Il me tardait de m'en assurer. Je repris son cahier, je montrai le mot « couteau » et l'élève me montra de suite celui qu'il tenait dans sa main et que je lui avais donné à l'instant où il n'avait pu se servir du rasoir. Pour que ce résultat fût complet, il me fallait faire la contre-épreuve. Il fallait que, mettant le cahier entre les mains de l'élève et touchant de mon côté le rasoir, Victor ne m'indiquât aucun mot, attendu qu'il ignorait encore celui de cet instrument. C'est aussi ce qui arriva. D'autres fois, les remplacements dont il s'avisait supposaient des rapprochements comparatifs beaucoup plus bizarres. Je me rappelle que, dînant un jour en ville et voulant recevoir une cuillerée de lentilles qu'on lui présentait, au moment où il n'y avait plus d'assiette ni de plat sur la table, il s'avisa d'aller prendre sur la cheminée et d'avancer, ainsi qu'il l'eût fait d'une assiette, un petit dessin sous verre, de forme circulaire, entouré d'un cadre dont le rebord nu et saillant ne ressemblait pas mal à celui d'une assiette. Mais très souvent, ces expédients étaient plus heureux, mieux trouvés et méritaient à plus juste titre le nom d'invention. Je ne crains pas de donner ce nom à la manière dont il se pourvut un jour d'un porte-crayon. Une seule fois, dans mon cabinet, je lui avais fait faire usage de cet instrument pour fixer un petit morceau de craie qu'il ne pouvait tenir du bout de ses doigts. Peu de jours après, la même difficulté se présenta. Mais Victor était dans sa chambre, et il n'avait pas là de porte-crayon pour tenir sa craie. Je le donne à l'homme le plus industrieux ou le plus inventif de dire, ou plutôt de faire, ce qu'il fit pour s'en procurer un. Il prit un ustensile de rôtisseur, employé dans les bonnes cuisines autant que superflu dans celle d'un pauvre sauvage, et qui, pour cette raison, restait oublié et rongé de rouille au fond d'une petite armoire, une lardoire enfin. Tel fut l'instrument qu'il prit pour remplacer celui qui lui manquait et qu'il sut, par une seconde inspiration d'une imagination vraiment créatrice, convertir en un véritable porte-crayon en remplaçant les coulants par quelques tours de fil. Pardonnez, monseigneur, l'importance que je mets à ce fait. Il faut avoir éprouvé toutes les angoisses d'une instruction aussi pénible. Il faut avoir suivi et dirigé cet homme plante dans ses laborieux développements depuis le premier acte de l'attention jusqu'à cette première étincelle de l'imagination pour se faire une idée de la joie que je ressentis et me trouver pardonnable de produire encore en ce moment, avec une sorte d'ostentation, un fait aussi simple et aussi ordinaire. Ce qui ajoutait encore à l'importance de ce résultat, considéré comme une preuve du mieux actuel et comme une garantie d'une amélioration future, c'est qu'au lieu de se présenter avec un isolement qui eût pu le faire regarder comme accidentel, il se groupait avec une foule d'autres, moins piquants sans doute, mais qui, venus à la même époque et émanés évidemment de la même source, s'offraient aux yeux d'un observateur attentif comme des résultats divers d'une impulsion générale. Il est en effet digne de remarque que, dès ce moment, disparurent spontanément une foule d'habitudes routinières que l'élève avait contractées dans sa manière de vaquer aux petites occupations qu'on lui avait prescrites. Tout en s'abstenant sévèrement de faire des rapprochements forcés et de tirer des conséquences éloignées, on peut du moins, je pense, soupçonner que la nouvelle manière d'envisager les choses, faisant naître l'idée d'en faire de nouvelles applications, dut nécessairement forcer l'élève à sortir du cercle uniforme de ses habitudes en quelque sorte automatique. Bien convaincu enfin que j'avais complètement établi dans l'esprit de Victor le rapport des objets avec leurs signes, il ne me restait plus qu'à en augmenter successivement le nombre. Si l'on a bien saisi le procédé par lequel j'étais parvenu à établir la valeur des premiers signes, on aura dû prévoir que ce procédé ne pouvait s'appliquer qu'aux objets circonscrits et de peu de volume, et qu'on ne pouvait étiqueter de même un lit, une chambre, un arbre, une personne, ainsi que les parties constituantes et inséparables d'un tout. Je ne trouvais aucune difficulté à faire comprendre le sens de ces nouveaux mots, quoique je ne pusse les lier visiblement aux objets qu'ils représentaient comme dans les expériences précédentes. Il me suffisait pour être compris d'indiquer du doigt le mot nouveau et de montrer de l'autre main l'objet auquel le mot se rapportait. J'eus un peu de peine à faire entendre la nomenclature des parties qui entrent dans la composition d'un tout. Ainsi, les mots doigt, main, avant-bras ne purent pendant longtemps offrir à l'élève aucun sens distinct. Cette confusion dans l'attribution des signes tenait évidemment à ce que l'élève n'avait point encore compris que les parties d'un corps, considérées séparément, formaient à leur tour des objets distincts, qui avaient leur nom particulier. Pour lui en donner l'idée, je pris un livre relié, j'en arrachai les couvertures et j'en détachai plusieurs feuilles. À mesure que je donnais à Victor chacune de ses parties séparées, j'en écrivais le nom sur la planche noire. Puis, reprenant dans sa main ses divers débris, je m'en faisais à mon tour indiquer les noms. Quand ils se furent bien gravés dans sa mémoire, je remis à leur place les parties séparées et lui en redemandant les noms, il me les désigna comme auparavant, puis sans lui en présenter aucun en particulier, et lui montrant le livre en totalité, je lui en demandai le nom. Il m'indiqua du doigt le mot « livre ». Il n'en fallait pas davantage pour lui rendre familière la nomenclature des diverses parties des corps composés, et pour que, dans les démonstrations que je lui en faisais, il ne confondît pas les noms propres à chacune des parties avec le nom général de l'objet, j'avais soin, en montrant les premières, de les toucher chacune immédiatement et je me contentais, pour l'application du nom général, d'indiquer la chose vaguement sans y toucher. De cette démonstration, je passai à celle des qualités des corps. J'entrais ici dans le champ des abstractions et j'y entrais avec la crainte de ne pouvoir y pénétrer ou de m'y voir bientôt arrêté par des difficultés insurmontables. Il ne s'en présenta aucune. Et ma première démonstration fut saisie d'emblée, quoiqu'elle portât sur l'une des qualités les plus abstraites des corps, celle de l'étendue. Je pris deux livres, reliés de même, mais de formats différents. L'un était un in 18, l'autre un in octavo. Je touchai le premier. Victor ouvrit son cahier et désigna du doigt le mot « livre ». Je touchai le second. L'élève indiqua de nouveau le même mot. Je recommençai plusieurs fois, et toujours avec le même résultat. Je pris ensuite le plus petit livre et le présentant à Victor, je lui fis étendre sa main à plat sur la couverture. Elle en était presque entièrement couverte. Je l'engageai alors à faire la même chose sur le volume in octavo. Sa main en couvrait à peine la moitié. Pour qu'il ne pût se méprendre sur mon intention, je lui montrai la partie qui restait à découvert et l'engageai à allonger les doigts vers cet endroit, ce qu'il ne put faire sans découvrir une portion égale à celle qu'il recouvrait. Après cette expérience, qui démontrait à mon élève d'une manière si palpable la différence d'étendue de ces deux objets, j'en demandai de nouveau le nom. Victor hésita. Il sentit que le même nom ne pouvait plus s'appliquer indistinctement à deux choses qu'il venait de trouver si inégales. C'était là où je l'attendais. J'écrivis alors sur deux cartes le mot « livre », et j'en déposai une sur chaque livre. J'écrivis ensuite sur une troisième le mot « grand » et le mot « petit » sur une quatrième. Je les plaçai à côté des premières, l'une sur le volume in octavo et l'autre sur le volume in 18. Après avoir fait remarquer cette disposition à Victor, je repris les étiquettes, les mêlai pendant quelque temps et les lui donnai ensuite pour être replacées. Elles le furent convenablement. Avais-je été compris ? Le sens respectif des mots « grand » et « petit » avait-il été saisi ? Pour en avoir la certitude et la preuve complète, voici comment je m'y pris. Je me fis apporter deux clous de longueur inégale. Je les fis comparer à peu près de la même manière que je l'avais fait pour les livres. Puis, ayant écrit sur deux cartes le mot « clou », je les lui présentai sans y ajouter les deux adjectifs « grand » et « petit », espérant que, si ma leçon précédente avait été bien saisie, il appliquerait au clou les mêmes signes de grandeur relative qui lui avaient servi à établir la différence de dimension des deux livres. C'est ce qu'il fit avec une promptitude qui rendit la preuve plus concluante encore. Tel fut le procédé par lequel je lui donnai l'idée des qualités d'étendue. Je l'employai avec le même succès pour rendre intelligibles les signes qui représentaient les autres qualités sensibles des corps, comme celles de couleur, de pesanteur, de résistance, etc. Après l'explication de l'adjectif vint celle du verbe. Pour le faire comprendre à l'élève, je n'eus qu'à soumettre un objet dont il connaissait le nom à plusieurs sortes d'actions que je désignais à mesure que je les exécutais par l'infinitif du verbe qui exprime cette action. Je prenais une clé, par exemple, j'en écrivais le nom sur une planche noire, puis la touchant, la jetant, la ramassant, la portant aux lèvres, la remettant à sa place, etc., j'écrivais en même temps que j'exécutais chacune de ces actions sur une colonne, à côté du mot « clé », les verbes « toucher », « jeter », « ramasser », « baiser », « replacer », etc. Je substituais ensuite au mot « clé » le nom d'un autre objet, que je soumettais aux mêmes fonctions, pendant que je montrais avec le doigt les verbes déjà écrits. Il arrivait souvent qu'en remplaçant ainsi au hasard un objet par un autre pour le rendre le régime des mêmes verbes, il y avait entre eux et la nature de l'objet une telle incompatibilité que l'action demandée devenait ou bizarre ou impossible. L'embarras où se trouvait alors l'élève tournait presque toujours à son avantage autant qu'à ma propre satisfaction et nous fournissant à lui l'occasion d'exercer son discernement et à moi celle de recueillir de nouvelles preuves de son intelligence. Un jour, par exemple, que par suite des changements successifs du régime des verbes, je me trouvais à voir ces étranges associations de mots « déchirer » « pierre », « couper » « tasse », « manger » « balai », il se tira fort bien d'embarras en changeant les deux actions indiquées par les deux premiers verbes, en deux autres moins incompatibles avec la nature de leur régime. En conséquence, il prit un marteau pour rompre la pierre et laissa tomber la tasse pour la casser. Parvenu au troisième verbe, et ne pouvant lui trouver de remplaçant, il en chercha un au régime, prit un morceau de pain et le mangea. Réduits à nous traîner péniblement et par les circuits infinis dans l'étude de ces difficultés grammaticales, nous faisions marcher de front, comme un moyen d'instruction auxiliaire et de diversion indispensable, l'exercice de l'écriture. Le début de ce travail m'a offert des difficultés sans nombre auxquelles je m'étais attendu. L'écriture est un exercice d'imitation, et l'imitation était un être chez notre sauvage. Ainsi, lorsque je lui donnais pour la première fois un morceau de craie que je disposais convenablement au bout de ses doigts, je ne pus obtenir aucune ligne, aucun trait qui se posa dans l'élève l'intention d'imiter ce qu'il me voyait faire. Il fallait donc ici rétrograder encore et chercher à tirer de leurs inerties les facultés imitatives en les soumettant, comme toutes les autres, à une sorte d'éducation graduelle. Je procédai à l'exécution de ce plan en exerçant Victor à des actes d'une imitation grossière, comme de lever les bras, d'avancer le pied, de s'asseoir, de se lever en même temps que moi, puis d'ouvrir la main, de la fermer et de répéter avec ses doigts une foule de mouvements d'abord simples, puis combinés que j'exécutais devant lui. J'armai ensuite sa main, de même que la mienne, d'une longue baguette taillée en pointe, que je lui faisais tenir comme une plume à écrire, dans la double intention de donner plus de force et d'aplomb à ses doigts, par la difficulté de tenir en équilibre ce simulacre de plume, et de lui rendre visible, et par conséquent susceptible d'imitation jusques au moindre mouvement de la baguette. Ainsi, disposés par des exercices préliminaires, nous nous mîmes à la planche noire munie chacun d'un morceau de craie. Et plaçant nos deux mains à la même hauteur, je commençai par descendre lentement et verticalement vers la base du tableau. L'élève en fit autant en suivant exactement la même direction et partageant son attention entre sa ligne et la mienne et portant sans relâche ses regards de l'une à l'autre comme s'il eût voulu en collationner successivement tous les points. Le résultat de notre composition fut deux lignes exactement parallèles. Mes leçons subséquentes ne furent qu'un développement du même procédé, je n'en parlerai pas. Je dirai seulement que le résultat fut tel qu'au bout de quelques mois, Victor sut copier les mots dont il connaissait déjà la valeur, bientôt après les reproduire de mémoire, et se servir enfin de son écriture, tout informe qu'elle était et qu'elle est restée, pour exprimer ses besoins, solliciter les moyens de les satisfaire, et saisir par la même voie l'expression des besoins ou de la volonté des autres. En considérant mes expériences comme un véritable cours d'imitation, je crus devoir ne pas le borner à des actes d'une imitation manuelle. J'y fis entrer plusieurs procédés qui n'avaient aucun rapport au mécanisme de l'écriture, mais dont l'effet était beaucoup plus propre à exercer l'intelligence. Tel est, entre autres, celui-ci. Je traçai sur une planche noire deux cercles à peu près égaux l'un vis-à-vis de moi et l'autre en face de Victor. Je disposai, sur 6 ou 8 points de la circonférence de ces cercles, 6 ou 8 lettres de l'alphabet, les mêmes dans les cercles, mais placées diversement. Je traçai ensuite, dans l'un des cercles, plusieurs lignes qui allaient aboutir aux lettres placées sur sa circonférence. Victor en faisait autant sur l'autre cercle. Mais par suite de la différente disposition des lettres, il arrivait que l'imitation la plus exacte donnait néanmoins une figure toute différente de celle que je lui offrais pour modèle. De là l'idée d'une imitation toute particulière dans laquelle il s'agissait non de copier servilement une forme donnée, mais d'en reproduire l'esprit et la manière sans être arrêté par la différence du résultat. Ce n'était plus ici une répétition routinière de ce que l'élève voyait faire, et telle qu'on pourrait l'obtenir jusqu'à un certain point de quelques animaux imitateurs, mais une imitation intelligente et raisonnée, variable dans ses procédés comme dans ses applications, et telle en un mot qu'on a droit de l'attendre de l'homme doué du libre usage de toutes ses facultés intellectuelles. De tous les phénomènes que présentent à l'observateur les premiers développements de l'enfant, le plus étonnant peut-être est la facilité avec laquelle il apprend à parler. Et lorsqu'on pense que la parole qui est sans contredit l'acte le plus admirable de l'imitation en est aussi le premier résultat, on sent redoubler son admiration pour cette intelligence suprême dont l'homme est le chef-d'œuvre et qui, voulant faire de la parole le principal moteur de l'éducation, a dû ne pas assujettir l'imitation au développement progressif des autres facultés et la rendre dès son début aussi active que féconde. Mais cette faculté imitative, dont l'influence se répand sur toute la vie, varie dans son application selon la diversité des âges, et n'est employée à l'apprentissage de la parole que dans la plus tendre enfance. Plus tard, elle préside à d'autres fonctions et abandonne, pour ainsi dire, l'instrument vocal. De telle sorte qu'un jeune enfant, un adolescent même, quittant son pays natal, en perd très promptement les manières, le ton, le langage, mais jamais ces intonations de voix qui constituent ce qu'on appelle l'accent. Il résulte de cette vérité physiologique qu'en réveillant l'imitation dans ce jeune sauvage parvenu déjà à son adolescence, j'ai dû m'attendre à ne trouver dans l'organe de la voix aucune disposition à mettre à profit ce développement des facultés imitatives, en supposant même que je n'eusse pas rencontré un second obstacle dans la stupeur opiniâtre du sens de l'ouïe. Sous ce dernier rapport, Victor pouvait être considéré comme un sourd-muet, quoique bien inférieur encore à cette classe d'êtres essentiellement observateurs et imitateurs. Néanmoins, je n'ai pas cru devoir m'arrêter à cette différence, ni renoncer à l'espoir de le faire parler et à tous les avantages que je m'en promettais, qu'après avoir tenté pour parvenir à ce résultat, le dernier moyen qui me restait, c'était de le conduire à l'usage de la parole non plus par le sens de l'ouïe, puisqu'il s'est refusé, mais par celui de la vue. Il s'agissait donc, dans cette dernière tentative, d'exercer les yeux à saisir le mécanisme de l'articulation des sons et la voix à les répéter par une heureuse application de toutes les forces réunies de l'attention et de l'imitation. Pendant plus d'un an, tous mes travaux, tous nos exercices tendirent à ce but. Poursuivre pareillement ici la méthode des gradations insensibles, je fis précéder l'étude de l'articulation visible des sons par l'imitation un peu plus facile des mouvements des muscles de la face, en commençant par ceux qui étaient les plus apparents. Ainsi, voilà l'instituteur et l'élève en face de l'un de l'autre, grimaçant à qui mieux mieux, c'est-à-dire imprimant aux muscles des yeux, du front, de la bouche, de la mâchoire, des mouvements de toute espèce, concentrant peu à peu les expériences sur les muscles des lèvres et, après avoir insisté longtemps sur l'étude des mouvements de cette partie charnue de l'organe de la parole, soumettant enfin la langue aux mêmes exercices, mais beaucoup plus diversifiés et plus longtemps continués. Ainsi préparé, l'organe de la parole me paraissait devoir se prêter sans peine à l'imitation des sons articulés, et je regardais ce résultat comme aussi proche qu'infaillible. Mon espérance fut entièrement déçue, et tout ce que je pus obtenir de cette longue série de soins se réduisit à l'émission de quelques monosyllabes informes, tantôt aigus, tantôt graves, et beaucoup moins nets encore que ceux que j'avais obtenus dans mes premiers essais. Je tins bon néanmoins et luttai pendant longtemps encore contre l'opiniâtreté de l'organe, jusqu'à ce qu'enfin, voyant la continuité de mes soins et la succession du temps n'opérer aucun changement, je me résignai à terminer là mes dernières tentatives en faveur de la parole, et j'abandonnai mon élève à un mutisme incurable.